أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم L'explication des trois fondements et leurs preuves du cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab. Donc on va expliquer ce livre qui est une base de connaissances dans l'Aqida. On va l'expliquer par l'explication d'un cheikh qui s'appelle Abdul Aziz Dakhil Al-Mutiri. Donc le livre Al-Usul Al-Thalatha est un livre qui a été conseillé par les savants de l'étudier, de le mémoriser si c'est possible. Pourquoi ? Parce que c'est une base dans les sciences de l'Aqida. Et que dans Usul al-Thalatha, vous verrez qu'on traite du shirk, on traite du tawhid, on traite de l'hijra. Et juste à la fin du livre, le cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il a consacré tout un chapitre au tawarit. Aussi, on peut traiter aussi dans le livre Al-Usul al-Thalatha du question du takfir. Donc le cheikh dont je me suis basé pour faire ce cours, Abdul Aziz al-Dakhili al-Mutiri, avant de commencer son explication de ce livre, d'abord il va faire une introduction sur le fait de rechercher la science et la méthodologie d'étude dans l'Aqida. Pourquoi il fait cette introduction ? Pour montrer l'objectif de la science. Pour montrer l'importance de la science. Car si on ne connaît pas l'importance de la science, on risque d'être négligent dans l'acquisition de cette science. On risque de ne pas être motivé dans l'acquisition de cette science. Or que la science islamique est la chose la plus importante. Et vous devez savoir, et je suis sûr et certain que vous le savez, que la disparition de la science a été la cause de l'apparition du shirk dans l'humanité. Le shirk, il n'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. Le shirk, il est apparu à cause de la disparition de la science. Comme nous a dit Ibn Abbas, que quand Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam, les êtres humains, ils sont restés 1000 ans sur le tawhid, 1000 ans dans l'adoration d'Allah sans lui donner d'associé. Donc 10 siècles. Donc à la base, les êtres humains étaient sur le tawhid. Mais comment le shirk est apparu? Le shirk a commencé à apparaître lorsque 5 hommes pieux, comme nous relate Ibn Abbas, sont morts. Et Shaitan a inspiré au peuple de ces hommes pieux de se recueillir là où ces hommes pieux faisaient l'i'tiqaf, c'est-à-dire là où ces hommes pieux ils faisaient des méditations, où ils pensaient, où ils se recueillaient pour Allah Zawajal. Et puis par après, Shaitan a fait une autre inspiration. L'inspiration que Shaitan a fait, c'était de les représenter. Et puis quelques siècles passèrent, comme il a dit Ibn Abbas, la science a disparu et ils ont été adorés. Donc, ces hommes pieux ont été adorés quand la science a disparu. Ce qui nous montre encore l'importance de la science. Car la disparition de la science sera toujours la cause de l'égarement. Et Cheikh Al-Khoder, il explique dans Kitab Tawhid que la disparition de la science peut se faire de plusieurs manières différentes. Parmi les manières par lesquelles la science disparaît, il y a le fait que plus personne ne prêche la science. Il y a le fait que plus personne pratique la science. Etc. Donc d'où l'importance à la communauté musulmane toujours de s'instruire. Et comme dit un poète dit que la science est un océan. Et la vie dont tu disposes pour acquérir cette science est courte. Donc commence par le plus important vers le moins important. Et le plus important des sciences, c'est connaître Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est triste que des gens consacrent des nuits blanches pour étudier leur examen à l'université ou en secondaire, consacrent des heures et des heures pour avoir un diplôme, mais ils consacrent peu de temps pour apprendre la religion d'Allah Ta'ala. Et si on a une mauvaise représentation de l'intérêt d'apprendre la science, on aura peu de motivation. Car la motivation, comme vous le savez, c'est un principe moteur dans le processus, dans l'apprentissage. Comme dit un poète, tu auras ce que tu veux par la grandeur de ta motivation. Au plus tu es motivé, au plus tu auras ce que tu désires. Et quelqu'un qui se dit « j'aime Allah, je vais adorer Allah Ta'ala », mais il n'est pas motivé dans l'apprentissage de la science, c'est qu'il y a un problème. Et entre parenthèses, Omar ibn Khattab, il prenait congé un jour sur deux pour aller s'instruire chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre l'importance que les compagnons donnaient à cette science. Car lorsqu'on donne plus d'importance à la science, c'est le début du déclin d'une personne et de la communauté. Donc, en cherchant la science, va débuter la participation de l'être humain à la construction d'une communauté musulmane scientifique et non ignorante. Car quand on a une communauté musulmane ignorante, c'est à partir de là que l'égarement commence. Quand vous voyez, par exemple, vous allez au Maroc, regardez où le shirk est fait dans le Maroc. Le shirk est fait toujours dans les villages, dans des endroits où les gens n'ont pas accès à la connaissance. Et être ignorant, c'est quelque chose de très mauvais. La preuve, c'est que dans le Coran, je ne sais plus quel prophète a fait cette dua, où il a demandé à Allah Ta'ala de le protéger de le protéger du fait de faire partie des ignorants. Si un prophète a demandé la protection de faire partie des ignorants, que dire de nous? Que dire de nous, simples êtres humains, qui ne sont pas des prophètes? Et d'ailleurs, il y a la parole d'Ibn al-Qayyim, donc je vais vous dire le sens parce que je l'ai oublié, où il dit, ce qui construit le monde, c'est la science. Ce qui détruit le monde, c'est l'ignorance. Et lorsque la science apparaît dans un endroit, apparaît dans un lieu, les gens qui habitent cet endroit, leur bien va augmenter et leur mal va diminuer ou bien disparaître. Et lorsque l'ignorance est dans un endroit, le mal des gens va commencer à apparaître, à naître. Donc on voit à travers la parole de Ibn al-Qayyim que la science est une cause de la protection de la communauté musulmane. C'est pour cela, si tu veux détruire une communauté, on va toujours détruire ses sciences, ses connaissances, etc. Et entre parenthèses, il y a un fait qui s'est passé, je crois, en Estonie, où il y a eu un bug informatique. Donc les gens se sont retrouvés sans PC. Et une des causes qui fait que les gens sont retrouvés sans PC, parce que les gens ne savaient plus comment fonctionnait un PC, comment on repare un bug informatique. Donc dans cette actualité, on voit que lorsque un peuple n'a pas la science et qu'il y a un problème, elle est désarmée. Si la communauté musulmane n'a pas accès à la science dans l'Aqida surtout, mais les portes de l'égarement, les portes des ambiguïtés seront ouvertes à elle, etc. Maintenant, quelles sont les thématiques que le cheikh qui va expliquer le livre va traiter dans cette introduction? Premièrement, il va parler du besoin de la communauté de la guider. Deuxièmement, il va parler de l'inimitié de Shaitan envers l'être humain et l'influence de cette inimitié dans l'égarement de la communauté. Troisièmement, le livre et la Sunna contient la meilleure des guidées. Quatrièmement, sortir des obscurités à la lumière est une conséquence de la guidée. Cinquièmement, la guidée s'obtient que par la science profitable. Sixièmement, le mérite de demander la science. Septièmement, insister à prendre la science profitable et la mise en garde contre la science qui ne profite pas. Huitièmement, je n'ai pas su le traduire. Neuvièmement, la méthodologie proposée pour étudier l'Aqida. Et dixièmement, l'importance d'étudier les prêches réformistes. Quand on dit les prêches réformistes, c'est-à-dire que le cheikh va parler... par exemple, notamment de Ibn Taymiyyah, et qui est arrivé à une époque où les musulmans étaient en déclin sur certaines choses, et ça rejoint un peu le rappel du frère, que lorsqu'on vit dans une période de déclin, s'inspirer comment nos prédécesseurs ont fait, comment ils ont agi, quelles stratégies ils ont mis en place pour sortir la communauté de ce déclin. Donc, onzièmement, il va parler des particularités de la prêche du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et douzièmement, il va faire un résumé de la biographie du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Voilà, donc je ne sais pas si je vais traiter tous ces points-là. On verra, Inch'Allah. Donc, ainsi le cheikh Abdel Aziz ibn Dakhil al-Mutari. Il dit, le besoin de la communauté de la science divine est précieux comme un diamant, car il ne sera sauvé seulement par le fait qu'Allah Ta'ala va les guider. Donc ça rejoint un peu le dars du frère. Donc la communauté a besoin de la science, et la communauté ne peut être sauvée qu'en mettant en pratique la guidée d'Allah Azzawajal. Et qu'est-ce qui a poussé le cheikh à dire cela? Qu'est-ce qui a poussé le cheikh à dire que la communauté musulmane a besoin de la guidée? C'est le hadith Al-Qudusi qui a été rapporté par Muslim, où Allah Azzawajal, il dit: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi de vous guider et je vous guide et je vous guiderai. Donc Allah Ta'ala dans ce hadith, il dit qu'on est tous égarés. On est tous dans le dalal. Et qu'il faut demander à Allah Ta'ala la guider. Et faire les causes pour obtenir cette guidée. Cette guidée ne va pas tomber comme ça du ciel tout seul. Et la cause pour obtenir cette guidée, il faut la prendre. Car la base de la guidée, c'est la science. Donc ce qui fait que on a besoin de s'instruire pour avoir accès à cette guidée. Et un besoin est provoqué par un manque, est provoqué par une privation d'une chose. Donc Allah Ta'ala, dans ce hadith Qudusi, il nous dit, il nous informe qu'on est privé de guider. Tant qu'on ne lui demandera pas qu'il nous guide, on sera privé de cette guidée. Tant qu'on ne fera pas les causes pour bénéficier de cette guidée, on en sera privé. Et quand est-ce qu'on va bénéficier de cette guidée? Lorsqu'on va faire les causes, lorsqu'on va chercher la science. C'est là qu'on va bénéficier de cette guidée et c'est là qu'on va sortir de l'égarement. Et c'est ce que les ennemis de l'islam, ils ont compris. Ils ont dit, si on veut égarer les musulmans, avoir le dessus sur eux, empêchons-les de s'instruire. C'est plutôt aux États-Unis, comme vous le savez, enfin aux États-Unis, en Arabie Saoudite, ils ont proposé. C'est vrai, c'est l'Amérique 2. C'est l'Amérique 2. C'est le deuxième état dans le pays du Golfe. C'est le 52e. Donc ils ont proposé de interdire l'instruction de l'alliance et des aveux pour maintenir les gens dans l'égarement, pour que les jeunes ne puissent pas profiter de la guidée d'Allah Azzawajal. Et le fait de ne pas chercher la science, qui est un besoin qu'on a parce qu'on a été privé de la guider, car Allah Ta'ala nous a créé ainsi, c'est comme une personne qui a soif et qui ne veut pas chercher à boire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par mourir. Donc, c'est toute la société musulmane qui a besoin de la science. Donc, toute la société musulmane a besoin de la science, non comme dit certains théoriciens américains, qui disent que c'est la minorité dominante qui doit avoir accès à la science. Donc ça, c'est un principe qui n'existe pas en islam. De dire que c'est la minorité dominante qui doit avoir accès à l'islam. La preuve, l'université de Harvard, c'est comme ça qu'on dit, hein, Harvard, il n'y a que certaines minorités, certaines classes parmi les Américains qui peuvent y aller. Tous les Américains ne peuvent pas aller à Harvard. Cette façon de raisonner n'est pas présent dans l'islam. Dans l'islam, tout le monde doit avoir accès à la science. Et lorsqu'on vous regarde la biographie de certains savants, on va se rendre compte que beaucoup de savants, ils étaient issus de parents esclaves. Leurs parents étaient esclaves et ils ont fini par devenir des savants et ils ont fini par devenir des modèles dans la société. Tandis qu'en Occident, tu naissais esclave, mais toute ta vie tu restais esclave. Tu n'avais pas accès, à l'instruction. Ceux qui avaient accès à l'instruction, c'était les hommes et pas les femmes. C'est ça, dans le 19e siècle, plus ou moins 1800-1700, 40% de femmes, enfin beaucoup de pourcentage de femmes, en tout cas plus de 40, ne savaient pas signer, car elles ne savaient pas lire et écrire. Alors que communauté musulmane, on a eu des grandes savantes comme Aïcha, des grandes savantes comme Hafsa, qui savaient lire, écrire, qui instruisaient la communauté, Aïcha qui instruisait les hommes. Donc eux qui nous parlent de l'égalité des femmes, de l'émancipation des femmes, on n'a rien à apprendre d'eux. C'est eux qui doivent apprendre de nous. Puisque les femmes, comment dire, ont instruit beaucoup d'hommes dans cette communauté musulmane. Notamment Ibn Taymiyyah, il a eu beaucoup de chères femmes. 80 chères femmes, et qui est l'un des plus grands savants de l'islam. Donc c'est malheureux de voir que cette pensée de dire que la science, comment dire, qu'il n'y a qu'une minorité qui doit avoir accès à la science, cette pensée se retrouve dans les musulmans actuellement maintenant. Comment cette pensée, comment dire, elle a colonisé les musulmans? Par exemple, si on parle de la science du takfir, certains te disent non, takfir, apprendre le takfir aux musulmans, c'est une fitna. Il n'y a que les savants qui peuvent rendre mécréants, il n'y a que les savants qui peuvent apprendre la science du takfir. Ce qui est complètement faux. C'est complètement faux, parce que la science du takfir est une adoration. Une adoration n'est pas limitée qu'aux savants. Toute adoration, comment dire, toute la communauté musulmane doit avoir accès à cette adoration. Et la condition pour adorer Allah Ta'ala, c'est la conformité et la sincérité. Et le takfir est quelque chose qui est réservé à, comment dire, qui concerne tous les musulmans. Par exemple, un musulman, par exemple, devient chrétien demain, ou bien un musulman urine sur le Coran. On va dire quoi? On va dire qu'il n'y a que les savants qui peuvent les rendre mécréants. C'est faux. Pourquoi? Parce que c'est des choses connues par nécessité que ça fait sortir de l'islam. Et il y a des choses entre les savants et des gens simples comme nous sommes égaux dans la science. Et dans des choses où on est égaux avec les savants, nous sommes égaux, pardon, où nous sommes égaux avec les savants, on a le droit de se prononcer, comme le tawhid et le shirk. Le savant et le musulman, le savant et le simple musulman sont égaux. Et c'est vrai que comment dire, dans certains sujets, comme ils ont dit comment dire, les savants, on appelle ça les mas'alatul khafiyya, donc des sujets subtils, c'est vrai. Il faut avoir certaines connaissances. C'est particulier aux savants parce que c'est des sujets un peu précis. Et la science du takfir, si aujourd'hui on essaye de faire peur aux musulmans, du takfir, au point que certains musulmans croient que c'est un acte pieux de ne pas rendre mécréants, et c'est un acte, comment dire, d'égarement de rendre mécréants les gens, c'est pour maintenir les gouverneurs arabes sur leur place, sur leur trône, et que la communauté musulmane ne puisse pas les rendre mécréants. Et en plus, entre parenthèses, dans l'histoire de la communauté musulmane, on a eu El-Hajjaj Thaqafi, qui était un gouverneur d'un État. Parmi les États islamiques, enfin parmi les États islamiques qu'il y avait, il avait fait beaucoup de mal. Et les savants, ils avaient divergé sur sa mécréance. Il y en a qui l'ont rendu mécréant, il y en a qui l'ont pas rendu mécréant. Et ceux qui rendaient El-Hajjaj mécréant, ils critiquaient ceux qui ne les rendaient pas mécréants. Ils disaient, qu'est-ce que les gens ils ont à ne pas rendre El-Hajjaj mécréant? Ceux qui ne rendaient pas Hajjaj mécréant, c'était ceux qui n'avaient pas beaucoup d'informations sur lui. Non. Et de plus, il y avait Taous ou Be'Ata. À un moment donné, malgré qu'il légifère avec la loi d'Allah, à un moment donné, ils l'ont rendu mécréant. Barakallahu S'ils ont, enfin, parce qu'il avait fait. Mais. Avait tué des compagnons. C'est un des seuls crimes que j'ai en tête. Bref. Ici, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que chez les salafs, on blâmait ceux qui ne rendaient pas mécréant quelqu'un lorsque on estimait qu'il était mécréant. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on blâme celui qui rend mécréant. C'est toi qui mérite d'être mécréant. Une question? Je peux la poser une autre? Est-ce que vous pouvez noter vos questions? Ça ne vous dérange pas. Donc le cheikh qui explique le livre, il dit, il nous est venu la meilleure des guidées. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il prend un hadith, un verset pour justifier cela, c'est qu'Allah Ta'ala dit Inna hadha al-Qur'an yahdi allati hiya aqwam. Certes, le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et c'est pour cela que cette communauté est la meilleure des communautés, qu'on a fait sortir pour les gens. Donc le cheikh, il dit ici que cette communauté est la meilleure des communautés qu'on a fait sortir pour les gens. Pour quelle raison? Parce que elle a la meilleure des guidées. Elle a la meilleure des guidées. Et que cette guidée, que cette communauté a, est bâtie sur une science authentique et le suivi de l'agrément d'Allah, en obéissant à ses commandements et en rendant véridique sa promesse. Donc on est la meilleure des communautés parce qu'on suit la guidée du Créateur. Parce qu'on se base sur la science du Créateur. On n'est pas la meilleure des communautés parce qu'on est la plus riche. Comme certaines personnes croient, que les Américains ou les Européens, c'est la puissance au monde, la meilleure, comment dire, la première puissance au monde, parce qu'ils sont riches. Et comme ils sont riches, il faut adopter leurs valeurs. En adoptant leurs valeurs, on sera riche aussi. On sera aussi une très grande puissance au monde. Et ceci est complètement faux, car le cheikh ici il va dire que la guider, c'est le fait de s'attacher à l'agrément d'Allah et aussi s'éloigner, mettre en garde contre les waswas de shaitan, contre l'obéissance de shaitan. Et ce qui fait de nous les meilleurs des peuples, c'est parce qu'on suit la guidée d'Allah. Et dans l'islam, il n'y a pas cette vision des choses, pays développé, sous-développé, que le pays développé c'est celui qui est le plus riche, et le pays sous-développé c'est celui qui est le moins riche. Et même il disait, c'est le Qutb, il disait, le pays sous-développé c'est un pays qui a des valeurs, comment dire, des valeurs qui n'élèvent pas, comment dire, le peuple, moralement, intellectuellement, etc. Parce que c'est le Qutb, il a vécu aux États-Unis. Il a vu comment le peuple américain y vivait. Il vivait d'une manière désastreuse. Ils étaient un cause à se repentir. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient que la société, la plus grande société, une société qui se dit la première puissance mondiale, sa population vit comme des gens au Moyen-Âge. Et que des gens qui ne sont pas comme les Arabes ou bien comme les pays musulmans, qui ne font pas partie de la première puissance mondiale, Les populations qui composent cette puissance qui ne font pas partie de la première puissance mondiale ont des bonnes moralités, ont des bonnes valeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent la guidée d'Allah. Et c'est là qu'il a compris qu'un peuple développé, c'est un peuple qui se base selon le Coran et la Sunna. Et non un peuple qui veut suivre les idéologies qui ont été inspirées par Shaitan et qui égare l'humanité. Donc on sera la meilleure communauté, donc ça rejoint encore une fois le cours du frère, lorsqu'on suivra la guidée d'Allah. On sortira du déclin lorsqu'on suivra la guidée d'Allah. Pas parce qu'on est riche, ben pas parce qu'on a les meilleurs l'arme nucléaire ou etc. On est la meilleure des communautés parce qu'on suit la guidée d'Allah et qu'on s'éloigne du fait d'obéir à Shaitan. Et le cheikh ici va montrer ici, par rapport à l'obéissance de Shaitan, il va venir avec un verset où Allah Ta'ala dit: "Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilm wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Kutiba 'alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdi ila 'adhabis sa'ir." Donc sourate Al-Hajj, verset 3 et 4. Donc dans la traduction approximative, donc Allah Ta'ala dit, parmi les gens, il y en a qui discutent au sujet d'Allah sans science, et ils suivent tout shaitan rebelle. Et il était prescrit à celui qui s'allie à shaitan, il sera égaré, et il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Donc on voit qu'Allah Ta'ala nous informe dans ce verset qu'il y a une catégorie de gens qui discutent au sujet d'Allah sans science. Ils ne se basent pas sur la guidée d'Allah pour discuter au sujet d'Allah. Et que celui qui ne se base pas sur Allah, qui ne se base pas sur la guidée d'Allah, il va se baser sur qui ? Il va se baser sur les inspirations de Shaitan. Donc c'est impossible qu'une personne qui ne se base pas sur la guidée d'Allah, qui ne se trouve pas sur une autre guidée. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Il n'y a pas de guidée intermédiaire. Et Ibn Kathir a dit dans son tafsir, il dit, c'est la situation des partisans de l'égarement et de l'innovation, de ceux qui se détournent de la vérité et suivent le faux. Ils délaissent ce que Allah a révélé à son messager comme vérité claire et suivent les paroles des leaders, des chefs de l'égarement, des prêcheurs de l'innovation par passion et opinion personnelle. C'est-à-dire que ces leaders, ces chefs de l'égarement, ils appellent à leur opinion personnelle et ils prêchent par passion. Et c'est pour cela, Allah Ta'ala a dit à leur sujet, il y a des gens qui discute au sujet d'Allah sans science. Ibn Kathir, il a dit, ça signifie sans science authentique. Donc, c'est clair. Ibn Kathir, il dit, le fait de discuter au sujet d'Allah sans science, c'est une caractéristique des gens de l'égarement, des gens qui suivent leur passion. C'est pour cela, parfois on voit des prêcheurs qui appellent à leurs opinions, qui prêchent avec passion, avoir beaucoup de suiveurs, beaucoup de gens qui les suivent. Et certains ne comprennent pas, ils disent comment ça se fait que ces gens qui appellent à l'égarement, qui appellent aux passions, qui appellent à l'innovation, ils ont des suiveurs. En réalité, parce que l'être humain, il est parfois attaché à celui qui le ressemble. Comme ils appellent à la passion, à l'égarement, c'est pour cela, les gens le suivent, parce que c'est en conformité avec leur penchant intérieur. D'où c'est pour ça qu'on trouve certains prêcheurs, dont je ne vais pas vous dire le nom, vous connaissez, ils ont beaucoup de partisans, beaucoup de suiveurs. Pourquoi? Parce qu'ils rassurent. Ils disent, ouais, c'est pas grave, tu peux enlever le voile, Allah il connaît ton cœur, ou bien tu vas le demander, est-ce que je peux écouter la musique, à dire. Écoute ce que dit ton cœur. Donc depuis quand le cœur, il est, une base pour savoir si je peux faire une chose ou pas. Donc les gens, ils aiment, ils disent, c'est bien. Il frustre pas mon âme. Donc quand je vais l'écouter, il va dire ce que mon âme va entendre. Donc, et, entre parenthèses, Bill Clinton. Un jour, on a posé la question à Bill Clinton, c'est le président des États-Unis, l'ancien président des États-Unis avant Bush. D'ailleurs, au Koweït, il y a un imam. Il a fait des dua, il demandait à la Ta'ala qu'il guide Bush pendant qu'il était en train de tuer les musulmans. Allah musta'an. Et Bill Clinton, qui était le président avant Bush, connaissait lui aussi qui a tué des musulmans. Il a trompé Hillary Clinton, elle aussi qui tue aussi les musulmans. Mais alhamdoulilah, ils sont au paradis, les musulmans dont ils tuent. Il a eu des rapports intimes avec sa secrétaire. Ça fait tout un tollé, ça s'est su. C'était juste avant les élections. C'était la honte, etc. Et après, elle était quand même élue. Et on a demandé, mais ce personnage, c'est un pervers. Comment les gens peuvent l'élire? Et puis, une personne a répondu, elle a dit, parce que les gens élisent des gens qui sont semblables à eux. Ils se reconnaissent à travers les personnes dont ils élisent. Comme Michel Dardenne, qui est mort dernièrement, qui était un alcoolique, qui venait sous le Parlement. Mais les gens l'élisaient, pourquoi? Parce qu'il aimait bien. Dans une épicerie en Italie, il posait des questions aux gens pour vous voter si vous Berlusconi. Ouais. Et un homme a dit, je vote pour lui parce que si j'avais le même argent que lui, les mêmes femmes, etc., je ferais exactement la même chose que lui. Voilà. Donc on voit, donc faut pas s'étonner. Quand les gens ils suivent un prêcheur et ils sont nombreux, qui appellent à l'égarement parce qu'ils aiment ça. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ça correspond effectivement à leurs attentes. Donc, comme je dis, on constate inévitablement que celui qui parle d'Allah sans science, ou bien qui va parler des choses de la vie sans science, il va inévitablement suivre le diable. Et effectivement, on a vu beaucoup de théoriciens dans leurs propos qu'ils étaient inspirés par le diable. Et certains théoriciens, occidentaux et autres, qui ont parlé de certaines choses de la vie, dans leurs propos, on voit effectivement qu'ils ont été inspirés par le diable. Je dis ça pourquoi? Pour montrer que ce verset est confirmé par notre réalité. Que celui qui veut parler de certaines choses sans se baser sur la science d'Allah, il va automatiquement être inspiré par le diable. La preuve, parmi ces théoriciens, on a Freud, qui est enseigné dans toutes les écoles. Pourtant, qui est enseigné dans toutes les écoles, en secondaire, en université, mais pourtant, on a une biographie de cet homme. Cet homme était un drogué. Cet homme, il a trompé sa femme avec la sœur de sa femme. Cet homme, il souffrait de dépression, etc. Et pourtant, il a enseigné dans les écoles il a enseigné dans les manuels scolaires. Et parmi ces théories, on voit vraiment que c'est l'inspiration du diable, c'est lorsqu'il a mis au point l'idée que tout homme et toute femme gardaient des tendances homosexuelles, vestiges de sa bisexualité originelle, qui apparaît avant d'acquérir une orientation sexuelle. C'est-à-dire que Freud, lui, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, l'être humain, quand il naît, il a une attirance pour l'homme, pour la femme. C'est-à-dire, s'il est homme, il peut avoir une attirance sexuelle. Non, il a une attirance sexuelle pour l'homme et une attirance sexuelle pour la femme. Et après, il fait son choix. Donc, si ça le plaît d'être avec un homme, il sera avec un homme. Si ça le plaît d'être avec une femme, il sera avec une femme. Donc, cette théorie est purement chétanesque. bref. Et satanique, excusez-moi. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Allah, il a fait une promesse à Allah, il lui a promis. Il a dit, je vais changer la création. Et il a ses alliés qu'il utilise pour changer la création. Et certains biographes, par rapport à Freud, certains biographes et chercheurs, ils ont conclu que Freud avait fait deux pactes avec le diable. Qu'il avait fait deux pactes avec le diable, notamment un de ses disciples, qui s'appelle Fritz Witzless, je ne suis pas allemand, qui est né en 1780 et mort en 1950, il a dit que Freud a dit, qu'il lui a dit un jour qu'il agissait en tant qu'avocat du diable. Il lui a dit oralement qu'il agissait en tant qu'avocat du diable. Même il a un article où il faisait l'éloge, où il justifiait qu'un homme, il y avait un homme qui était, qui était acteur, ou bien il faisait des pièces de théâtre, etc., qui avait fait un pacte avec le diable, et il disait que, c'était une bonne chose d'utiliser le diable pour sortir de la dépression, etc. Donc, par rapport au verset dont je viens de lire, la suite est très intéressante. Où Allah Azzawajal dit « Kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu yahdi ila adhabi sa'ir » Donc Allah Azzawajal dit, il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour allié et qu'il guidera vers le chemin de la fournaise. Donc ici, les savants, ils ont expliqué, comme le savant Al-Mujahid, ils ont dit ici, c'est que quiconque prendra Shaitan comme allié, c'est-à-dire que Allah Ta'ala a prescrit dans son destin universel l'égarement, comme il a dit Mujahid, que Allah Ta'ala a prescrit dans son destin universel, fermez les parenthèses, ouvrez les parenthèses, que Allah Ta'ala a prescrit, qu'Allah Ta'ala a prescrit dans son destin universel l'égarement, fermez les parenthèses. Quand je dis destin universel, c'est-à-dire que le fait de suivre Shaitan est une cause où tu seras automatiquement égaré, ça fait partie du destin universel. Quand je dis destin universel, c'est qu'Allah Ta'ala a mis des causes universelles. C'est que lorsque ces causes-là, tu les fais, il y a un effet qui se produit. Exemple, quelqu'un qui tombe de 12e étage et qui n'a pas d'amortisseur, c'est sûr et certain qu'il va mourir. Car c'est une cause universelle de tomber de 12e étage et de mourir. Tu lances quelque chose, ça retombe par terre, c'est une cause universelle que ça retombe par terre. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la loi de la pesanteur. Donc ici, Mujahid veut nous faire comprendre que celui qui s'allie à Shaitan, c'est sûr et certain qu'il sera égaré. C'est sûr et certain. Et même s'il a une bonne intention, il va s'égarer. Et l'alliance à Shaitan, c'est le fait de le suivre. C'est le fait de le suivre dans son égarement. La preuve de tout ce que je dis. Adam, alayhi salam, comme vous le savez, Allah Ta'ala, quand il a créé, après qu'il a informé aux anges le nom des choses, il lui a interdit de manger un fruit de l'arbre. Et ce n'est pas la pomme, car certains musulmans croient que c'est la pomme. Ce n'est pas la pomme. Le fruit, on ne sait pas. Enfin, le verset ne dit pas que c'est la pomme. Il faut voir le tafsir, excusez-moi. Ce n'est pas la pomme. Et Shaitan est venu chez Adam, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ton Seigneur t'a interdit de manger de ce fruit pour que tu ne sois pas un ange et pour que tu ne vives pas très longtemps. Que tu n'aies pas une longue vie, pardon. Et Shaitan, et Adam, alayhi salam, ça jouait sur son intention. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais manger ce fruit. Comme ça, en mangeant ce fruit, je vais devenir un ange. Et en devenant un ange, je vais mieux adorer Allah. Et je vais vivre plus longtemps et je vais adorer Allah Ta'ala plus longtemps. Donc Shaitan, il a mis une bonne intention. Donc Adam, il a approuvé. Adam, alayhi salam, il a approuvé ce waswas de Shaitan. Et quand il a mangé ce fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est égaré. Et Allah Ta'ala n'a pas pris en considération sa bonne intention. Allah Ta'ala n'a pas pris en considération la bonne intention de Shaitan. Et ce qui prouve quoi? Ce qui prouve ici, celui qui va s'allier à Shaitan, même s'il a une bonne intention, il va quand même s'égarer. Et la preuve, on le voit actuellement. Ceux par exemple qui utilisent la démocratie pour mettre la sharia, la démocratie comme a dit un shirk, c'est la législation de Shaitan. Qui sont alliés à Shaitan en suivant la démocratie. Eux tous, ils se sont égarés. Un Nahda, qui voulait au début, qui prêchait la sharia, qui prêchait le khilafa. En rentrant dans la démocratie, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit que la sharia ne sera pas la source de législation. Mursi, même chose. En rentrant dans le parlement, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je donnerai la liberté religieuse à tout le monde. Ça implique comme quoi que l'apostasie sera permise en Égypte. Ceci confirme le verset que je viens de dire. Et toute personne qui va s'allier à Shaitan en suivant sa législation, en suivant son système, en suivant son idéologie, il va s'égarer même s'il a une bonne intention. Donc le cheikh ici, il continue. Il dit, certes, Allah a informé que ses ennemis, Allah Ta'ala a informé que ses ennemis sont les alliés des Shayatines et que les gens se divisent en deux catégories. Première catégorie, c'est les partisans d'Allah. Deuxième catégorie, c'est le partisan des Shayatines. Et après, cite le verset. C'est un verset très important ici, que je vais citer. Où Allah Azzawajal dit, « Wa la ta'kulu mimma lam yuthkari ismullahi alayhi, wa innahu lafisqun, wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. » Donc Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, donc sourate Al-An'am, verset 121, ne mangez pas les choses on n'a pas mentionné le nom d'Allah dessus, donc c'est-à-dire les bêtes. Certes, ceci est une perversité. Et les diables, les shayatines, font des inspirations à leurs alliés pour polémiquer avec vous. Si vous les obéissez, vous serez des associateurs. Donc ce verset a une cause de révélation. Et la cause de révélation a été rapportée par le compagnon Ibn Abbas, à qui on attribue la parole de Kufr duna Kufr. Et c'est le cher Mohamed Abu Mohamed el-Maqdisi qui a souligné cela. Pourquoi? Parce que Ibn Abbas, comme vous le savez, ceux qui disent que les gouverneurs aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est du kufr duna kufr, en se basant la parole de Ibn Abbas, voilà. Donc ceux qui disent que gouverner par autre ce qu'Allah a révélé, c'est du kufr duna kufr, et à qui le fait de dire Kufa duna Kufa en attribué à Ibn Abbas nous a rapporté la circonstance dans laquelle ce verset est révélé. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on va voir par la suite pour quelle raison dans ce verset Allah Ta'ala l'a appelé ceux qui vont obéir aux waswas de Shaitan, aux alliés de Shaitan, ce sont des associateurs. Et après, rappelez-moi si j'oublie, pour quelle raison j'insiste de dire que c'est Ibn Abbas qui était à la cause de la révélation. Rappelez-moi si je l'oublie. Donc, Cheikh Echenkoïti, il a rappelé dans son tafsir la cause de la révélation de ce verset. C'est très important. Qui nous a été relaté par Ibn Abbas. Cheikh Nkaiti, il dit: il y a eu une polémique entre les partisans du miséricordieux et les partisans de Shaitan au sujet d'un statut légal parmi les statuts légaux concernant le licite et l'illicite. Et les partisans du miséricordieux suivent la législation du miséricordieux contenue dans sa révélation, dans ce qu'il a interdit. Et les partisans de Shaitan suivent l'inspiration de Shaitan dans ce qu'il a rendu licite. Allah a jugé entre les deux, donc entre ces deux partisans. Et il a donné une décision juridique dans ce qu'ils divergeaient, qui est une décision juridique céleste coranique récitée dans la sourate Al-An'am, les bestiaux. Et ceci du fait que Shaitan, lorsqu'il a inspiré à ses alliés en leur disant: demandez, questionnez à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet des moutons, qui est devenu une bête morte. Qui l'a tué? Ils ont répondu: c'est Allah qui l'a tué. Ainsi, les alliés de Shaitan ont dit: les bêtes mortes, c'est donc Allah qui l'a tué. C'est Allah qui l'a tué et immolé. Alors comment ce que Allah Ta'ala a immolé, tué, vous dites que c'est illicite? Et que vous dites que ce que vous avez immolé de vos mains est licite? Cela implique que vous êtes meilleur que Allah et que votre émulation est plus licite que la bête morte que Allah a tuée. Donc Ibn Abbas, celui qui a rapporté cette narration, et il y a consensus, comme l'a dit le Cheikh Nkaiti, sous la circonstance de la révélation de ce verset. Donc il y a une polémique entre les partisans d'Allah et les partisans des Shayatin. Cette polémique concernait au sujet de la bête morte. Ils disent: voilà, la bête morte, c'est qui l'a tué? C'est Allah qui l'a tué. Donc si c'est Allah qui l'a tué, donc elle est licite. Et puis ils disent que leur bête, les partisans d'Allah, ils disent que leur bête morte à eux, dont ils ont, pardon, pas les bêtes mortes, la viande dont ils ont immolé est licite et la bête morte est illicite. Mais pourtant la bête morte illicite, c'est Allah qui l'a tué. Donc vous voulez dire que votre bête que vous tuez est licite et la bête qu'Allah Ta'ala a tuée directement est illicite? Donc ça revient à ce que vous êtes meilleur que Allah Zawajal, et que votre bête que vous avez tuée est plus licite que la bête morte que Allah Ta'ala a tuée sans qu'on l'immole. Donc ils ont une ambiguïté. Les alliés de Shaitan ont essayé de leur mettre une ambiguïté. Le but de cette ambiguïté, c'était de leur pousser à légiférer la consommation de la bête morte. Et Allah Ta'ala a révélé ce verset. Dans ce verset, il leur montre que si vous les obéissez, qu'est-ce qui va se passer? Si vous le suivez dans leur ambiguïté, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez des associateurs. Donc, la raison pour laquelle ils seront des associateurs, parce qu'ils vont rendre quelque chose de, vont rendre quelque chose licite sans s'appuyer sur la législation d'Allah. Ils vont s'appuyer sur la législation de Shaitan. Et Shaykh Al-Kaiti dit dans son tafsir, il dit que celui qui suit la législation de Shaitan, qui s'oppose à la législation du miséricordieux, est un mushrik billah, c'est-à-dire il est un associateur vis-à-vis d'Allah. Donc on voit que le terme associateur, parce que certains croient que le terme associateur, on l'applique envers celui qui adore les tombes, ou bien envers celui qui adore les statues. Mais le terme associateur peut s'appliquer envers celui qui suit la législation de Shaitan et qui délaisse la législation d'Allah. Et c'est pour cela, Al-Khazan, qui est aussi un mufassir très connu, lorsqu'il dit « in ata'tumuhum », donc si vous les obéissez, il explique cela signifie que vous serez comme eux dans le shirk. Et Zajaja a dit: dans ce verset, il y a en lui une preuve que celui qui rend licite une chose parmi ce que Allah a rendu illicite, ou illicite ce que Allah Ta'ala a rendu licite, c'est un mushrik. Et certes, on l'appelle mushrik parce qu'il aura affirmé, approuvé qu'il a pris un législateur en dehors d'Allah. Et c'est pour cela que c'est un mushrik. Référence tafsir de Al-Khazan, volume 2, page 147. Donc, encore une fois de plus, donc je redis ce que je viens de dire, on constate que mushrik, ce n'est pas simplement celui qui adore les tombes. C'est aussi celui qui prend, qui se base, pas sur la législation d'Allah, pour déterminer des statuts légaux. C'est pour cela, certains savants, ils ont dit, quelqu'un qui fait l'effort de l'ijtihad, sans se baser sur le Coran et la Sunna, et qu'il arrive à la vérité, ils ont dit, il aura quand même péché. il aura quand même péché. Son péché, c'est quoi? C'est le fait qu'il s'est inspiré de sa propre personne pour faire un ijtihad, même s'il a atteint la vérité. Et de ce verset, on peut aussi déduire aussi que Satan utilise des arguments qui peuvent être acceptés rationnellement. La raison peut l'accepter, mais on ne va pas l'accepter parce que ça contredit les textes. Et ça, c'est une caractéristique de Shaitan. Même certains savants, ils ont dit la première cause de l'égarement de Shaitan, la première personne qui s'est égarée à cause de sa raison, c'est Shaitan. Lorsqu'il a dit, je ne peux pas me prosterner devant Adam alayhi salam, parce que je suis fait de feu, et lui, il est fait de la terre. C'est vrai que le feu est plus fort que la terre. Est plus fort que la terre. Mais ça ne justifie pas le fait d'être en contradiction avec l'ordre d'Allah, même si c'est en contradiction avec ta raison. Et comme disent aussi les savants, que le soleil et les idoles ont été adorées suite à une mauvaise analogie. Donc Shaitan, pour faire adorer les idoles, il vient avec une mauvaise analogie. Ce que certains savants ont appelé ça Al-Qiyas Shaitaniya, l'analogie satanique. Donc il vient avec une analogie qui peut être acceptée par la raison, mais cette analogie amène quoi? Amène le coufre derrière. Donc, on va continuer. Donc, il dit ici, le cheikh, il dit ici, comment dire, la lutte, la guerre de Shaitan envers les êtres humains, son objectif dans cette guerre, c'est les égarer. L'objectif de Shaitan dans cette guerre, c'est égarer les êtres humains. C'est pour cela, celui qui se tait face à une vérité, le prophète sallam l'a appelé un Shaitan muet, qui se tait de dire une vérité, que les gens sont dans l'égarement, et il ne dit pas aux gens, il ne condamne pas le fait que les gens sont dans l'égarement, c'est un shaitan muet. Pourquoi? Parce qu'il a une caractéristique avec shaitan, c'est qu'il voit l'égarement, il n'essaie pas de le changer. Et pour lutter contre cet égarement de shaitan, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la science. Et entre parenthèses, il y a une histoire d'un cheikh. Un jour, il a rêvé que Satan est venu dans son. Enfin, il a rêvé qu'un ange est venu le trouver. Et l'ange lui dit : voilà, je viens de la part d'Allah. Et Allah m'a chargé de te dire que tu es pieux. Et que tu peux faire ce que tu veux. Parce que tu es pieux. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y. Fais le haram que tu veux. Tu es devenu pieux. Et puis il lui a dit, et puis le chéri dit, mais ça c'est, t'es pas un ange toi, t'es un chétain toi, tu vois. Et puis il a raconté ce rêve à ses élèves, et ses élèves lui ont dit, mais comment t'as fait pour savoir que c'était chétain? Et il a répondu à ses élèves, il disait, écoutez, les prophètes sont plus pieux que moi, et Allah Ta'ala n'a pas proposé cela aux prophètes, qu'est-ce qu'il va proposer à moi, ceci à moi? Et puis chétain est revenu par après dans son rêve, il lui a dit, toi si t'as été sauvé dans ma stratégie, c'est par ta science. C'est ta science qui a fait que tu m'as sauvé, que tu as été sauvé de ma stratégie. Et les salafs, ils disaient, quand Shaitan veut égarer quelqu'un, il le détourne d'abord de la science. Et quand il le détourne de la science, ça sera très facile pour lui de l'égarer. Donc je vais vous réciter un verset aussi. Où Allah Ta'ala dit, ilaykum ya bani Adam. Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduun mubin en ya'buduni hada siratun mustaqim. Allah Zawajal dit, n'ai-je pas pacté avec vous, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan? Certes, c'est un ennemi déclaré. Et de m'adorer, et ceci est le droit chemin. Donc ici, l'adoration de Shaitan, ici qui a été citée dans le verset, comme ils ont dit les savants, ce n'est pas l'adoration de prosternation ou bien l'adoration de l'immolation pour Shaitan. Ici, c'est l'adoration de l'obéissance dans la mécréance. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim alayhi salam? Ibrahim alayhi salam, il a dit à son père, « Ya abati, la ta'budu shaitan, inna shaitana kana li rahman asiyya. » Il dit, « Oh mon père, n'adore pas Shaitan. Certes, Shaitan est pour le miséricordieux un être désobéissant. On sait très bien que le père de Ibrahim, il n'adorait pas Shaitan. Mais pourquoi Ibrahim alayhi salam, il a dit à son père de ne pas adorer Shaitan? Parce que Shaitan est la source et la cause de l'inspiration qui amène au kufr. D'où l'importance de connaître la guidée d'Allah Azzawajal, de s'instruire pour que la communauté musulmane doit s'instruire pour éviter qu'elle tombe dans le ruse de l'adoration de Shaitan. Donc on va arrêter là, Inch'Allah, et la semaine prochaine je parlerai du Fadlu Talab al-Ilm, le mérite de demander la science, Inch'Allah.